إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue inchallah le cours intitulé l'ornement précieux des époux vertueux. Le cours dernier on a parlé de la dot et aujourd'hui on va finir ce sujet inchallah ou ta'ala. Donc ces cours ci sont plus axés donc sur la jurisprudence. Un point qui est fondamental et qu'il faut bien comprendre pour ce qui est de la dot. La dot, dont ce qu'on appelle la sadaq, ou ce qu'on appelle le mahr, c'est un droit unique pour la femme. C'est-à-dire que c'est un droit qui est exclusif pour la femme, pour celle qui va être prise comme épouse. Et ce n'est pas un droit du wali, c'est-à-dire celui qui est responsable d'elle ou son tuteur, que ce soit son père ou autre. Ils n'ont pas de droit par rapport à ce bien qui va être donné à cette femme. C'est son droit absolu. Sauf si, bien entendu, elle donne la permission à son père ou autre d'y avoir accès. Ça, c'est son droit. Donc, vu que c'est son droit, elle peut faire ce qu'elle veut avec, qu'elle le donne un proche ou autre, à la kulli hal, ça devient son bien, comme les autres biens qu'elle peut, avant même le mariage, posséder. C'est de même. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla yaqul, comme on l'avait déjà dit dans ce fameux verset qui correspond, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. On avait vu que le terme nihla, auprès de beaucoup de savants, ça voulait dire de manière obligatoire. De manière obligatoire. C'est-à-dire, donc, donner aux femmes. Donc, il est bien précisé ici, wajul istidlal, c'est-à-dire l'aspect argumentatif de ce verset, wa'atun nisa'a, c'est-à-dire, donner aux femmes, sadoqatihinna nihla. Donc, ce sont les femmes qui sont précisées dans ce verset. Pour ce qui est de la dot, on avait dit qu'il y avait deux sortes de dot. Celle qui est dit, al-mah al-musamma, et qui est donc celle qui est prononcée et déterminée. C'est-à-dire que durant l'acte, pendant l'acte ou avant l'acte, les deux parties ou les deux époux ou les deux futurs époux, ils vont tout simplement décider donc de la valeur de cette dot. Ils vont la citer, c'est-à-dire qu'ils vont déterminer sa valeur. Donc elle sera ma'loum, elle sera connue, musamma. Ça, c'est le premier cas. Et c'est le cas qui est le plus répandu. Mais il y a aussi une autre sorte de dot, ce qu'on appelle donc al-maskut an, c'est-à-dire celle qui n'a pas été déterminée. On avait dit que cela était permis. Ja'iz bil-ijma', c'est-à-dire consensus des savants sur la permission de se marier sans avoir déterminé la valeur de la dot. Et que ce mariage, il est valide et il s'appelle auprès de beaucoup de jurisconsultes ce qu'on appelle nikah ou tafwid. Nikah tafwid. Et bien entendu, on avait déjà expliqué le cours dernier que dans ce cas-là, il va être donné à la femme ce qu'on appelle la dot de l'équivalence. En regardant, bien entendu, parmi les proches, les femmes qui sont proches d'elle, combien elles ont donc hérité comme dot. Donc c'est ce qu'on appelle la dot de l'équivalence, on en avait parlé la semaine dernière. Maintenant, pour préciser et en même temps s'élargir sur ce sujet d'un point de vue de la jurisprudence, il faut savoir que la femme, elle a le droit donc à la dot, c'est son droit, c'est une condition du mariage, ou une obligation, comme on avait expliqué. Il faut savoir que la femme, par rapport à cela, elle va avoir plusieurs situations. C'est-à-dire que ce droit de la femme envers la dot, suivant les cas de figure, il va être différent. Et lorsque, bien sûr, on va détailler maintenant, vous allez comprendre. Le premier cas, c'est lorsque la dot lui revient totalement. Lorsque la dot lui revient totalement, c'est-à-dire qu'elle va prendre toute la dot, que ce soit la dot qui a été déterminée, donc la valeur même, ou que ce soit donc ce qui a été, qui n'a pas été déterminé, qui va revenir dans la plupart des cas à la dot dite d'équivalence, ou alors sur lequel ils seront mis d'accord. La dot lui revient totalement à la femme dans deux cas. Dans deux cas. Le premier cas, c'est lorsque, bien entendu, après que le mariage et l'acte de mariage a été contracté, concrétisé, lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle le duhul al-haqiqi. C'est tout simplement lorsqu'il y a eu le rapport entre l'homme et la femme, le réel rapport. Donc le rapport est comme on le connaît. C'est pour ça qu'on appelle le duhul al-haqiqi. Ça, bien entendu, au moment où il y a eu donc ce rapport, la femme, elle a droit à la dette entièrement. Elle a droit à la dette entièrement. C'est son haq. Tayyib. Et par rapport à ça, bien entendu, il y a une preuve. Les savants, ils vont se baser sur une preuve par rapport à cela, et même des preuves du Coran, et plus précisément, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith qu'on avait déjà vu lorsqu'on avait parlé de Al-Wali, c'est-à-dire plutôt de l'une des conditions du mariage, et qui était donc la permission du Wali. C'est un hadith qui est rapporté par Aïcha, radiallahu ta'ala anha, et qui est rapporté par l'imam Ahmed, l'imam Abu Daoud, Al-Tirmidhi et d'autres encore. Et qui est un hadith authentique, authentifié par Charles Albani, rahmatullah alayhi, fi kitab al-Irwa. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ayyuma mra'atin nukihat bighayri idni waliya fa nikahuha batil » C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « N'importe quelle femme, quelle qu'elle soit, et qui se marie ou qui contracte un mariage sans la permission de son wali, donc de son tuteur, son mariage il est batil, c'est-à-dire que son mariage il n'est pas valable. Il n'est pas valable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit fanikahuha batil, c'est-à-dire donc son mariage est invalide, il a répété trois fois pour bien insister donc l'importance de cette condition primordiale. Et ensuite, hada wa shahid, c'est-à-dire le témoin argumentatif, il vient après. Fa'in dakhala biha, fala al mahru bima stahalla min farjiha. Qu'est-ce que ça veut dire, la suite de ce hadith? S'il est rentré, c'est-à-dire donc, s'il a eu le rapport avec elle. Malgré que ce nikah, il est batil, c'est-à-dire qu'il est faux. Mais si, bien entendu, il y a ensuite le rapport entre l'homme et la femme. Alors le prophète, dans ce cas, il nous dit فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا. C'est-à-dire que elle a droit à la dot. Pourquoi? Pourquoi la dot? Elle a droit donc à la dot par rapport à ce que sont le sexe de la femme, c'est ça qui est donc cité ici. Il est devenu licite pour cet homme-là, par rapport en fait à ce contrat de mariage. Même si ce contrat est batil, mais eux, dans leur nia, c'est qu'il est vrai, c'est qu'il est valable, vu qu'ils l'ont fait. Et donc, ils se sont basés par rapport à lui. Donc, pour ce qui est de ce cas-là, elle aura quand même, elle marque, c'est-à-dire la dot qu'on lui a, qu'il a été donc prescrit durant ce mariage-là, qui a été fait ici dans ce cas-là, bidoun wali. Elle garde quand même cette dot-là. Et même si, bien entendu, après, on va annuler ce mariage du fait qu'il n'y a pas eu la condition qui a été requise. Mais la femme, elle aura droit dans ce cas-là, à sa dot par rapport à ce qui était licite, donc par rapport au rapport. Donc dans ce cas-là, et c'est comme ça qu'on va le comprendre, si c'est dans le cas où le mariage n'est pas valide, alors que dire dans le cas où le mariage il est valide? إذا كان النكاح صحيحا. Donc bien entendu, on comprend de manière claire et nette que par rapport à ce hadith, la femme, elle a droit à la dot entièrement au moment où il y a donc eu le rapport. Une fois qu'il y a eu le rapport entre l'homme et la femme, la dot lui revient. Le deuxième cas, lorsqu'il est donc, lorsque la femme elle a le droit à la dot à part entière, totalement, c'est lorsque l'homme, il meurt avant même le rapport. Lorsqu'il y a bien entendu un acte de mariage qui est valide entre l'homme et la femme. Alors dans ce cas, et même dans les deux cas qui sont connus par rapport au type de dot, c'est-à-dire qu'elle soit citée et déterminée ou non citée ni déterminée, elle a droit également à la dot. Elle a droit à la dot entièrement. Donc ça c'est dans le cas où l'homme meurt avant qu'il y ait eu le rapport entre l'homme et la femme. Dans ce cas-là, elle a droit également à la dot. Ça, c'est le deuxième cas. Et quelle en est la preuve? Comment les savants, sur quoi ils sont basés? Ils sont basés en réalité sur un hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah, l'imam Ahmad et d'autres encore, et qui est un hadith authentifié par Cheikh Albani dans son livre Al-Irwa, hadith numéro 1939. C'est un hadith de Al-Qamah, radiallahu ta'ala anhu. Lorsqu'un homme est venu voir Abdullah ibn Mas'ud, on est venu auprès de Abdullah ibn Mas'ud et on lui a expliqué un cas. Ce cas-là, c'était tout simplement donc une femme dont son homme est mort et dont la dot n'avait pas été déterminée et qu'il n'y avait bien entendu pas eu de rapport. Walam yakun dakhala biha, c'est-à-dire que il n'y a pas eu de rapport entre l'homme et la femme, et cet homme est mort, donc après que l'acte de mariage a été conclu. Abdullah ibn Mas'ud, il n'a pas eu de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ce cas-là. Donc il a fait un ijtihad, c'est-à-dire donc il a fait un effort d'interprétation, et il a donné ce qu'on appelle donc une fatwa par rapport à ce cas. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ara laha mithlu sadaq nisa'iha. Ça c'était la première chose. C'est-à-dire que premier point qu'il a cité, c'est qu'elle aura donc la dot, et qui est donc la dot d'équivalence. La dot d'équivalence par rapport, bien sûr, aux femmes de son entourage, de ce qu'elles prennent. Ce qu'on appelle donc la dot d'équivalence, c'est ce qu'on a cité. Walaha al-mirath, c'est-à-dire qu'elle a droit également à l'héritage. Walaha al-idda, walaha al-idda, c'est qu'elle doit également donc accomplir sa période, donc la période connue. Taïr. Donc ces trois choses, c'est avec lesquelles il a donné la fatwa Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu. Et à ce moment-là, il y avait un des compagnons qui était présent et qui s'appelle Marqal Ibn Sinan Ash-Ja'i. Et qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a entendu cette fatwa de Abdullah? Il a dit « Anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qada fi barwa' ibn tawashiq bimithli ma qadayt » C'est-à-dire qu'il a dit, le sahabi, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait donné le même jugement, par rapport donc à une fille qui s'appelait Barwa' ibn Washiq, et il a donné donc par rapport à cette fille, ou à cette femme, qui était exactement dans le même cas, il avait donné exactement le même hukm, c'est-à-dire la même loi. Et il est cité que Ibn Mas'ud, il a été très très content, c'est-à-dire que une grande joie que ce qu'il a donné comme fatwa, c'était exactement ce qu'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant lui, alors que lui bien entendu il ne savait pas ce cas-là. Donc ça c'est la preuve, et c'est bien entendu ici dans le cas où la dot n'avait pas été déterminée, donc de la plus forte raison lorsqu'elle est déterminée. Donc dans le cas où l'homme il meurt et que l'acte de mariage a été conclu et qu'il n'est pas rentré dans le cas, bien entendu, où il n'est pas rentré, il n'y a pas eu l'acte, alors la femme également, elle a droit à la dot complètement, entièrement. Également un troisième cas que l'on va citer. Et par rapport à ce troisième cas que l'on cite, c'est un cas où il y a eu en fait une divergence entre les savants. Donc ça, c'est le troisième cas. Donc les deux premiers cas qu'on a cités, et ici donc ce troisième cas, pour ce qui est du cas où la femme elle prend la dot entièrement. Et c'est ce qu'on appelle el-khalwa bidun jima'. El-khalwa bidun jima'. Et qu'est-ce qu'on entend par le terme khalwa? Qu'est-ce qu'on entend par le terme khalwa? C'est tout simplement lorsque les deux époux, après bien sûr que l'acte a été conclu, vont se rassembler, par exemple dans une pièce, ou un endroit où ils peuvent jouir l'un de l'autre sans être inquiétés par la venue d'une autre personne, c'est-à-dire par une personne étrangère, c'est-à-dire comme le fait de s'enfermer dans une chambre. Alors à ce moment-là, lorsqu'on s'est enfermé avec son époux dans la chambre, à tout moment on peut avoir le rapport et que les deux peuvent jouir l'un de l'autre, taïb, et que à ce moment-là, bien entendu, on est sûr que personne ne pourra rentrer, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est comme ça qu'on va comprendre un khalwa. Taïb, on dit une pièce ou un endroit. À la kulli hal, là où ils ont eu la possibilité, sans être dérangés, d'avoir une intimité. Taïb, lorsqu'on dit une intimité, bien entendu, ici, c'est le rapport. Donc à ce moment-là, si cela est advenu et qu'il n'y a pas eu de rapport, ensuite, par exemple, les deux époux, ils se sont quittés. Taïb, et qu'il n'y a pas eu de rapport, quoi qu'il arrive, après cet acte-là, auprès de beaucoup de savants, où la femme elle a droit à sa dot complètement. Même si après il y a un divorce, une séparation, quoi qu'il arrive. Dans ce cas-là, elle aura droit à la dot complètement, même s'il n'y a pas eu de rapport. Simplement, donc, s'il y a eu cet acte-là, ce qu'on appelle khalwa, et comme on l'a expliqué. Et ça, c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa. Et c'est également mashour, c'est ce qui est le plus connu du madhab de l'imam Ahmed. D'autres savants ont dit elle n'a pas droit par rapport à cela. Si elle a eu cela, elle n'y a pas droit. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i fil Jadid. Pourquoi on dit bien entendu fil Jadid pour ce qui est de l'imam Shafi'i? C'est qu'il faut savoir que les savants qui ont suivi le madhab de l'imam Shafi'i, ils se sont aperçus qu'il y avait des paroles qui avaient été dites par l'imam Shafi'i et qu'ensuite, des avis de jurisprudence, et qu'ensuite l'imam Shafi'i est revenu sur ces avis-là. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver dans certains cas, lorsqu'on lit les fatwas de l'imam Shafi'i, ou lorsque les savants nous rapportent les fatwas de l'imam Shafi'i, on entend Al-Shafi'i fil Qadim. C'est-à-dire, donc, on va comprendre par rapport à cela la fatwa de l'imam Shafi'i d'avant. C'est-à-dire, lorsqu'on dit fil Qadim, c'est automatiquement qu'il va y avoir Al-Jadid. C'est-à-dire, il va y avoir une nouvelle ensuite. Une nouvelle fatwa qui va, bien entendu, dans la plupart des cas, contredire donc la première. C'est-à-dire que l'imam Shafi'i, à titre d'exemple, il lui est parvenu un hadith, et lorsqu'il lui est parvenu ce hadith-là, et qu'il a su à travers ce hadith, le hukm qu'on en tirait, et que c'était en contradiction avec une fatwa qu'il avait faite sans connaissance de ce hadith, alors il va revenir sur sa fatwa. Et ça, c'était le minhaj, c'est-à-dire la méthodologie de tous ces grands savants. Et bien entendu, des quatre madhahib, que ce soit l'imam Shafi'i, que ce soit l'imam Abu Hanifa, que ce soit l'imam Malik, que ce soit l'imam Ahmed, tous ont été d'accord. Et pour ceux qui veulent en avoir le cœur net, qu'ils reviennent sur un passage du livre de Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh, qui s'appelle Sifatul Salah, ou Sifat Salat al-Nabi, qui est bien entendu les caractéristiques de la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fil muqaddimah, c'est-à-dire dans la présentation du livre. Dans la présentation du livre, le shir va beaucoup insister et il va mettre en évidence que tous ces savants-là, tous ont dit cette même parole. Il a sahha al-hadith fawa madhhabi, c'est-à-dire le hadith est authentique, alors c'est mon madhhab. Alors c'est le madhhab que moi je suis. Taïb, donc ça, c'est ce qui était dit de tous ces savants-là. Donc c'est pour ça qu'on va trouver donc dans certains cas que l'imam Shafi'i est revenu sur sa parole. Donc ici c'est le cas. Par exemple, il a dit à un moment qu'elle a droit et ensuite il a dit elle n'a pas le droit. Donc c'est pour ça qu'on dit l'imam Shafi'i fait jadid et c'est l'avis donc il voit qu'il n'y a pas de droit. Par rapport à cela, quelle va être la parole qui va être choisie et que beaucoup de savants ont choisi? Ça va être la première parole. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait rentrer donc dans le troisième cas où la femme elle a le droit à la dot totalement. Ils vont revenir par rapport à ça, à tout simplement un avis qui a été donné par Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu. C'est-à-dire donc le calife bien guidé, Omar. Et cette parole de Omar, elle est rapportée dans Al-Muwatta de l'imam Malik, et également fil Bayhaqi, Sunan al-Bayhaqi, et qui a une parole rapportée par Saïd ibn al-Musayyib, Saïd ibn al-Musayyib, où il est dit, où il a dit, qada fil mar'ati, idha tazawwajaha ar-rajul, c'est-à-dire qu'il a donné comme avis, il a donné comme loi par rapport à la femme donc qui s'est mariée avec un homme, annahu idha urkhiyat as-sutur faqad wajaba as-sadaq. Qu'est-ce qu'on comprend de cela? Que lorsque les rideaux ont été fermés, donc ça c'est une expression de Omar qu'il a dit pour faire comprendre donc al-khalwa, ce terme al-khalwa, c'est-à-dire lorsque bien entendu ils seront dans leur intimité. Donc lorsque les rideaux ont été fermés ou alors les rideaux sont descendus, alors faqad wajaba as-sadaq. Alors à ce moment-là, la dot est obligatoire. La dot est obligatoire. Donc on voit que ça c'est la fatwa qu'a donné et l'avis qu'a donné Omar, radiallahu ta'ala anhu. Et c'est bien entendu une parole de Omar qui est authentifiée par Sheikh al-Albani fi al-Da'ifa, fi silsilat al-Da'ifa, silsilat al-Hadith al-Da'ifa. Tout simplement, bien entendu, pourquoi elle se trouve dans les hadiths faibles, c'est tout simplement que ce hadith, il a été, ou cette parole de Omar, elle est attribuée au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le shir, lui, il va démontrer donc, fit da'ifa, donc dans les hadiths donc dit faible, il va démontrer que ce n'est pas une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une parole qui est mauquf à Omar, qui est donc, qui s'arrête à Omar. Et il va l'authentifier comme tel. C'est-à-dire qu'il va tout simplement authentifier que c'est bel et bien la parole de Omar, pas celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce que nous on profite ici, c'est que c'est bel et bien et authentifié comme étant la parole de Omar, radiallahu ta'ala anhu. Donc il suffit qu'il y ait eu un moment d'intimité entre l'homme et la femme, comme on l'a expliqué le khalwa, et donc bien entendu dans le cas où il n'y a pas eu d'acte, alors la femme elle aura droit à sa dot complètement. Ça, ce qui était pour le premier cas de figure, lorsque la femme elle a droit à la dot complètement. Et on avait dit que sous ce cas de figure, il y avait trois cas qui apparaissaient. Donc, on résume. Le premier cas, c'était lorsque l'homme, lorsque d'abord, bien entendu, il y a eu un rapport entre l'homme, entre les deux époux. Le vrai rapport. Voyez. Et le deuxième cas, c'est lorsque l'homme, il meurt avant même qu'il y ait un rapport, qu'il ait un rapport donc avec sa femme. Voyez. Donc, on avait dit également, c'était un des cas. Et ensuite, le troisième cas qu'on a cité, lorsqu'il y a eu Al-Khalwa, donc lorsqu'il y a eu ce moment d'intimité entre les deux époux, alors qu'ils n'ont pas eu l'acte de rapport. Maintenant, le cas de figure numéro 2, là où la femme, elle va prendre uniquement la moitié de la dot. Nasful Mahr, juste la moitié de la dot. C'est au moment où l'homme, il va divorcer de sa femme. Avant qu'il ait eu un rapport, et avant bien entendu qu'il ait eu entre eux Al-Khalwa. Alors à ce moment-là, la femme elle aura droit donc à la moitié, uniquement la moitié de la dot. Ça c'est dans le cas où la dot elle est déterminée, Al-Musamma. Et lorsqu'elle n'est non déterminée comme on l'a précisé, Al-Rajir, c'est-à-dire la parole la plus forte, c'est qu'également elle y a droit. Elle a droit à la moitié de la dot. Ça c'est donc le seul cas de figure. Lorsque la femme a droit à la moitié de la dot. Et maintenant, le troisième cas, et le dernier cas, c'est au moment où c'est lorsque la femme n'a aucun droit pour ce qui est de la dot. C'est-à-dire qu'elle ne touchera rien de la dot. Il y a plusieurs cas de figure, où on va dire, il y a plusieurs exemples que l'on pourrait donner ici. C'est lorsque, par exemple, la séparation, elle advient du côté de l'épouse. Ou plutôt, on va dire, à cause de l'épouse. Et bien entendu ici, avant le rapport. C'est-à-dire que par exemple, l'homme il a trouvé un défaut chez la femme, ou autre. Ou alors également, dans le cas où ce qu'on appelle, on y reviendra, elle roule également. Ou alors également, dans le cas, et ça c'est un cas qui vient d'elle-même, de la femme, c'est ce qu'on appelle tanazul. Lorsque la femme, elle délaisse en fait sa dot de elle-même, de son plein gré. Elle a voulu comme cela. Donc ça c'est des cas bien entendu où la femme elle n'a pas droit à la danse. Et par rapport à ce qu'on a dit, on va citer un verset, le verset qui se trouve sur surat al-Baqarah, et qui est le verset 237. Donc le verset, c'est le suivant. On va comprendre certains points par rapport à ce qu'on a dit auparavant, par rapport à ce verset, par rapport à ce qu'on a cité. On va revenir au verset coranique. يقول الله عز وجل في هذا الآية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة طيب إذا كنت تبرسين معها بدون أن تمسوها mais après fixation de leur mahr versez-le alors ou versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé à moins qu'elle ne s'en désiste ou que ne se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage. Donc on voit, par rapport déjà à ce verset, pour ce qui est du cas qu'on avait cité, c'est-à-dire le cas où elle a la femme la moitié de la dot, et c'est bien entendu au moment où l'homme il va divorcer, comme il est expliqué dans ce verset. Alors, au moment où, lorsque l'homme il va divorcer donc de sa femme, et avant bien entendu ici qu'il y a eu un rapport, voyez, avant qu'il y ait eu un rapport. Et les savants, ils ont divergé par rapport à ce qui était, ce qu'on avait dit, donc déterminé, et ce qui était non déterminé par rapport, ou déterminé à la biltifab. Mais ce qui était non déterminé, on avait dit, il y avait eu un irtilaf pour rajih, comme ce qui est déterminé, comme ce qui est en fait déterminé. Et ensuite, on voit là, à la suite du verset, à moins qu'elle ne s'en désiste, ou que ne se désiste celui entre les mains, de qui est la conclusion donc du mariage. Donc également ici, dans ce cas, on va voir donc que si elle se désiste, c'est-à-dire donc si la femme se désiste également de cette dot, alors c'est son choix. Donc ça revient à elle également. Donc ça nous prouve également à travers ce verset que c'est son droit à elle, que c'est son droit donc à elle. Et même pour ce qui est de la suite du verset, où que ne se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage. Sachant que les savants ont divergé en deux paroles pour cette parole. Yadi urdat nikah. Certains ont dit que c'est al-wali, c'est-à-dire le tuteur de la femme, dans ce cas-là. Et d'autres savants ont dit que c'est la femme elle-même. C'est la femme elle-même. Et ceux qui ont dit, bien entendu, que c'est la femme elle-même, c'est une parole qui est forte. Sachant que personne, comme on l'a cité auparavant, personne n'a le droit pour ce qui est de cette dot. Seule la femme a un droit absolu sur cette dot-là. Personne, en dehors d'elle, ne peut y avoir un droit. Voilà donc pour ce qu'on a cité et pour ce qui rentrait dans les conditions du mariage. On avait cité donc, elles étaient de quatre. Ces quatre conditions. Donc on en a terminé pour ce qui est donc de la dot. Et on reviendra, inshallah, en fin de cours pour ce qui est de la dot, mais sous un autre aspect. Oui, idnillahi ta'ala. À la kulli hal, on avait cité quatre conditions. C'est celles par lesquelles on a commencé. On avait dit également deux piliers. On avait parlé donc de deux piliers. Pour ce qui est donc de ces deux piliers, il faut savoir que l'acte de mariage, c'est comme tout autre acte. Donc il est bâti sur l'accord et le consentement des deux parties, comme tout autre acte. Voyez, taradi. Et bien entendu, on sait, pour ce qui est donc du consentement, c'est quelque chose qui vient du cœur. Et donc, il y a quelque chose qui est dissimulé, le consentement. Personne ne sait le consent, ça vient dans un premier temps de son cœur. Et bien entendu, par rapport au char, par rapport à la législation, nous, il nous faut savoir. Et pour ceux qui vont être responsables par rapport à ce mariage, il faut qu'ils sachent ce qui se cache, ou ce qu'il y a dans ce cœur. Et de mettre donc en apparence cela. De savoir et de mettre en apparence cela. C'est pour ça qu'il va y avoir donc ici une grande importance donnée à la parole qui va être prononcée lors du mariage. Et que cette parole, bien entendu, doit être, ou doit sortir des deux parties. Taïeb. Et c'est ce qu'on appelle, en réalité, al-ijab wal-qaboul. Al-ijab wal-qaboul. Ça, c'est les deux piliers du mariage. Al-ijab wal-qaboul. C'est tout simplement ce qu'on pourrait traduire, nous, par l'offre et l'acceptation. Par l'offre et l'acceptation. Donc, bien entendu, pour ce qui est de l'ijab, c'est un lafz. C'est une parole donc qui va être prononcée. Et qui va être prononcée par l'un des deux contractants. afin bien entendu qu'il exprime son désir, sa volonté de se marier, du mariage. Voyez, donc ça, il faut que ça soit clair, une parole qui soit claire. Et également ensuite, le kaboul, c'est-à-dire l'acceptation d'une des autres, des deux autres personnes, c'est-à-dire bien entendu celui qui va accepter, le kaboul, et qui va être donc prononcé de l'autre contractant. Et lorsqu'on dit contractant, bien entendu, c'est un terme que l'on peut utiliser, parce qu'on l'a dit, cet acte-là de mariage, c'est un acte comme tous les actes que l'on va retrouver au niveau du char, où il y a des conditions, où il y a des règles. Et donc, contractant, et qui va exprimer donc, lui, son consentement et son agrément par rapport à cette demande-là. Et bien entendu, à partir de là, pour ce qui est de ces deux paroles qui vont être prononcées, donc l'offre et l'acceptation, l'ijab ou le kaboul, qui vont donc être les deux piliers du mariage, on va voir que les savants ont posé des conditions, c'est-à-dire comment il faut que cette parole soit prononcée, comment on va l'accepter, etc. Donc parmi les conditions, on s'est rentré dans tous les détails, pour ne pas rendre le cours trop lourd au niveau de son aspect de jurisprudence. Il faut savoir que parmi les conditions qui sont données, c'est toute donc parole ou tout terme qui va être prononcé et qui indique de manière claire et nette le mariage. Qui indique de manière claire et nette le mariage. C'est-à-dire qu'on ne peut utiliser, et ça va être pris en compte, ça va être une condition, on ne peut utiliser uniquement donc les termes qui nous indiquent le mariage. Comme par exemple, ankah, au zawajtu, au mallaktu, etc. Pour ce qui est bien entendu, ici on va trouver une petite divergence au niveau des savants. Est-ce que l'on utilise uniquement les termes qui sont tirés directement de ce qu'on appelle l'inkah ou taswij, donc les termes, on va dire, qui n'acceptent uniquement que al-maqsoud, c'est-à-dire qui n'acceptent uniquement ce qui est voulu, on veut par là bien entendu le mariage, comme donc ankah, c'est-à-dire je t'ai marié par exemple ma fille, aouzawajtu, je t'ai marié ma fille. Pour ce qui est de cela, il n'y a pas de divergence, tout le monde est d'accord. Et que cela doit être prononcé. Par contre, il y a une divergence si on va prononcer un autre terme, c'est-à-dire un terme qui indique le mariage sans être explicite, ou on va dire qui peut comprendre également d'autres marnas, c'est-à-dire d'autres significations. Mais dans ce cas-là, bien entendu, lorsqu'il est prononcé, on va comprendre que c'est bel et bien que ça indique le mariage. Comme par exemple, mallaktuk, c'est-à-dire ce qu'on pourrait traduire, je t'ai rendu propriétaire d'elle, c'est-à-dire que je t'ai, pour cette fille, c'est-à-dire par exemple ma fille, celle dont je suis responsable, je t'en ai rendu propriétaire. Propriétaire, bien entendu, parce que cette femme va rentrer, puis mouqal al-rajul, elle va rentrer, bien entendu, dans la propriété de l'homme, vu que c'est sa femme. Ça, c'est la parole de al-jumhur, de la plupart des savants, al-jumhur, de la plupart des savants, comme l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, et qui est également l'ikhtiyar, le choix de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Ils vont se baser par rapport à cela, à une des versions du hadith. Le fameux hadith de Al-Wahiba, celle qui était venue donner sa propre personne au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette femme-là. Et lorsqu'ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mariée à un homme, et tout le monde connaît Al-Qissa, on l'avait déjà cité, il avait dit, قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. Et donc il a employé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici le terme, مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. Donc on voit que c'est un terme qui accepte le mariage, qui accepte autre. Mais dans ce cas-là, et bien entendu, la situation ne prête qu'à comprendre et indiquer ce qu'est le mariage. Et donc, on a le droit également donc, d'utiliser ce genre d'expression qui, dans ce cas-là, indique le mariage. Et ne pas s'en tenir uniquement aux termes connus, comme ce qu'on pourrait dire en français, marié ou épousé. Ensuite, également, un point important que je vais citer, qui va nous concerner beaucoup de personnes qui vivent en France et autres. Et justement, par rapport à cette parole-là, la parole donc qui va concerner la contraction du mariage et celle qui va être faite dans une autre langue que la langue arabe. Une autre langue que la langue arabe. Et par rapport à cela, on va revenir à une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Majmu' al-Fatawa. Donc une parole et un avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui est des plus clairs par rapport à ce qui est donc de se marier et donc de prononcer des termes qui ne vont pas être en langue arabe, comme on l'a cité auparavant, comme par exemple dire « ankahtuk » etc. Voyez, qu'est-ce qu'il dit sur l'islam? تعين اللفظ العربي في عقد النكاح في غاية البعد عن أصول أحمد والنصوص وعن أصول الأدلة الشرعية إذ النكاح يصح من الكافر والمسلم وإن كان قربة فإنما هو كالعتق والصدقة. Il nous dit dans un premier temps, cher Islam, que uniquement désigner la parole en langue arabe, donc ce qu'on va comprendre, pour que le mariage soit valable, bien entendu dans ce qui concerne le contrat de mariage, ceci il dit que c'est très très loin. C'est une parole qui est très loin, dans un premier temps, des bases sur lesquelles s'est basé l'imam Ahmed, et également des bases même, donc des preuves juridiques. C'est là qu'il va donc vous expliquer pourquoi, cher Al-Islam. Parce que dans un premier temps, le mariage, il est valable non seulement du kafir, également du musulman, c'est-à-dire de celui qui est non musulman, de celui qui est musulman. Et s'il est, bien entendu, par rapport aux musulmans, comme, considéré comme un rapprochement envers Allah, un kana qurba, c'est-à-dire un rapprochement, il est exactement comme l'affranchissement, il est exactement également comme la sadaqa, donc le monde que l'on va donner. ومعلوم أن العقد لا يتعين له لفظ لا عربي ولا عجمي وكذلك الصدقة والوقف والهبة لا يتعين لها لفظ عربي بالإجماع. Il nous dit donc qu'il est connu pour ce qui est des autres actes. Donc ce qu'il a cité à titre d'exemple, comme les actes qui concernent par exemple une charité ou autre, ou ce qu'on avait expliqué également, al-waqf, al-hiba, etc. Il dit que c'est connu qu'il n'y a pas besoin que la parole ici soit uniquement arabe, c'est-à-dire qu'elle soit non arabe ou qu'elle soit arabe ou non arabe. Par rapport à cela, il n'y a pas d'importance. Et qu'il ne sera pas choisi la parole qui va être arabe. Bilijma, la yata'ayyan, c'est-à-dire que ce n'est pas ici une obligation et ce ne va pas être une condition de prononcer la parole en langue arabe, bilijma, donc consensus. Et ensuite il nous dit ثم العجمي إذا تعلم العربية في الحال قد لا يفهم المقصود من ذلك اللفظ كما يفهم من اللغة التي اعتداها. Il nous dit chez l'islam également que si même la personne a appris un peu de la langue arabe, si on va comprendre un peu de la langue arabe dans l'état même, c'est-à-dire donc qu'il ne peut-être il ne va pas comprendre le maqsoud, il ne va pas peut-être comprendre réellement ce qu'il voulait par ce terme qu'il va lui employer. Alors que il l'aurait très bien compris s'il avait employé son terme lui dans sa langue, dans laquelle il s'est habitué, sa langue mère en fait. Taïb. Donc en vérité, ici il nous fait comprendre, cher Al-Islam, pour ce qui est donc des actes, des contrats de manière générale, qu'il n'y a pas de condition posée dans l'utilisation unique de la langue arabe. Non. Et de même pour ce qui est du contrat du mariage. Donc la personne qui va contracter un mariage dans une langue qui va être étrangère à la langue arabe, il n'y a pas aucun mal par rapport à cela. Voyez, donc ce n'est pas une condition. Donc ici, c'est bien de le rappeler pour ce qui est donc, du cas de beaucoup de frères et de sœurs et pour ce qui est également, et pour ce qui se rapporte donc aux deux piliers du zawaj. Également parmi les conditions que les savants nous ont cités, il faut bien entendu que les paroles qui vont donc être utilisées, elles indiquent la continuité, et non ce qui va être par exemple temporaire ou autre. Ça, je pense que c'est plus que clair. Également qu'il y ait une totale concordance entre l'acceptation et l'offre, ou entre l'offre et l'acceptation. Ben al-ijab ou al-qabul. Ça, c'est également une des conditions très importantes pour ce qui est des deux piliers. Si par exemple une personne te dit maintenant, je te marie, ma fille, suivant une dot dont la valeur est par exemple 1000 euros, ou autre, et toi que tu dis j'accepte donc ta fille mais avec une dot dont la valeur est 500 euros, alors à ce moment là il ne peut y avoir contraction de l'acte, il ne peut y avoir, parce qu'il n'y aura pas de concordance entre l'offre donc et la demande. Également ça fait partie des conditions de manière générale. Ça c'est bien entendu pour ce qui est donc des deux piliers. Donc on a vu les deux piliers au niveau du mariage et on a vu donc les quatre conditions et on y a parlé. C'était important donc pour avoir connaissance des règles qui sont en rapport avec le mariage pour ce qui est donc de cet aspect de la jurisprudence. Et lorsqu'on revient à ce qu'on appelle le mahr, et ici C'est une remarque que l'on fait. Et c'est une mise en garde que l'on fait. Et que l'on trouve, bil asaf shadid, c'est-à-dire une chose que l'on trouve beaucoup, beaucoup chez des frères ou chez des personnes qui, elles, ne craignent pas Allah. Et qui, lorsqu'elles vont se marier, on va voir que la femme, elle attend sa dot, et elle attend sa dot, elle attend sa dot, alors que la personne ne lui l'apporte pas. Beaucoup de cas on entend, et qui traduisent cet état des choses, Wallah al-Musta'an. Alors que, comme on l'a cité en début de cours, le verset, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. On avait dit que nihla, pour ce qui est de ce terme, beaucoup de savants ont dit à titre obligatoire. Même si d'autres ont dit anti-le-naf, c'est-à-dire ça le fait de bon gré. Et on va revoir pour ce qui est donc de la dot. Et pour se rendre compte de l'importance de cela. Quel va être le péché, du péché que va faire la personne qui ne remplit donc pas cette condition. Cette condition donc qui était al-mar, c'est-à-dire qui ne paye pas. Et qui ne donne pas à la femme son droit. Dans un premier temps, un hadith qui est clair et net, qui est un hadith muttafaqun alayh, rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, dans leur authentique. Il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ahaqqu ash-shurut an tuwaffu bihi ma istahlaltum bihi al-furuj. Ahaqqu ash-shurut an tuwaffu bihi ma istahlaltum bihi al-furuj. Qu'est-ce qu'il veut dire ce hadith? Il veut dire tout simplement que la plus importante des conditions que vous devez vous acquitter, dont on doit s'acquitter, ce par lequel, et bien entendu ici, le terme al-furuj, qui est donc le pluriel de al-farj, qui est le sexe, par lequel le sexe vous est devenu licite. Comme on a dit, lorsque la personne, elle a donc contracté le mariage et qu'elle a donné cette dot, de par cette dot, cette femme-là lui devient licite. Donc il a un rapport avec cette femme-là. Donc c'est dans ce sens qu'on comprend le hadith. أحق الشروط أن توفوا به أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. Donc les conditions les plus importantes, ou la condition la plus importante, l'une des conditions ou la condition la plus importante que l'on doit s'acquitter et par lequel le sexe vous est donc devenu licite, donc le rapport vous est devenu licite par rapport au mariage, par rapport à cette femme. Donc on voit l'importance que le prophète sur Salem il a donné à la dot et qu'il a insisté que la personne qui se marie ou l'homme doit s'en acquitter. Également un autre hadith, et c'est un hadith qui fait frémir et qui fait peur lorsqu'on l'entend, et que chaque personne qui rentre sous cette menace-là alors qu'il craint Allah Azzawajal, parce que non seulement il ne sait pas quand il va mourir lui, peut-être qu'il n'a pas payé la dot et demain il meurt, et qu'il n'aura pas payé, il meurt et il n'aura pas payé la dot à sa femme, celui qui a retardé, et celui qui avait les moyens et qui n'a pas donné. Regardez ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tabarani fi Mu'jam al-Sarir wal-Awsat kadhalik, et qui est un hadith authentifié par Charles Albani rahmatullah alayh, qui est le hadith numéro 1807 fi Sahih al-Targhib wal-Tarhib, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul ayyuma ar-rajul tazawwaja imra'atan 'ala ma qalla min al-mahr wa kathur. N'importe quelle personne, ou plutôt n'importe quel homme, qui va se marier avec une femme, suivant bien sûr ce qu'il leur a donné comme dot, qu'elle soit peu ou qu'elle soit importante. Ma qalla min al-mahr aw kathur. Wa laysa fi nafsihi an yuaddiya ilayha haqqaha. C'est-à-dire qu'il n'a pas en lui-même l'intention de lui donner son droit. Ils sont mis d'accord par rapport à une dot, qu'elle soit peu ou qu'elle soit importante, et en lui-même, il n'a même pas l'intention de donner son droit. C'est pas bien entendu ici, dans le cas où il n'a pas la capacité, où il lui faut du temps. On a dit qu'il était permis par rapport à la personne, par exemple, le morcier, celui qui bataille, qui a peu de moyens, il était possible que la personne, elle retarde pour payer. Vous voyez, celui, bien entendu, ici, ça ne rentre pas dans ce cas-là. Personne qui n'a pas eu la capacité ou le moyen. On dit bien pour la personne, mais ici les précisions sont halides. Pour celui déjà, il ne prête aucune importance à cela, et même dans son intention, il ne veut même pas rendre ce droit-là. Khada'a, c'est-à-dire qu'il l'a donc trahi, il a trahi cette femme. Famata, alors il meurt. Et dans le cas où il meurt, il n'a pas payé donc cette dot, وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا حَقًّا, donc il n'a pas payé la dot, il ne lui a pas donné son droit, لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانِي. وَاللَّهُ مُسْتَعَانٌ. لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانِي. Subhanallah. La ilaha illallah. C'est-à-dire qu'il va rencontrer Allah Azza wa Jal le jour du jugement en état de fornicateur. Comme un zani. وَهُوَ زَانِي. لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانِي. La personne qui est dans ce cas, et l'homme qui est dans ce cas, et qui n'a pas demandé le droit à sa femme alors qu'il pense que demain il peut mourir, et est-ce qu'il veut lui rencontrer Allah Azza wa Jal en tant que fornicateur? Voilà pour ce qui est de ce point-là, qui était important à préciser. Maintenant, bien entendu, lorsque le contrat de mariage est fait, etc., on va parler pour ce qui est de Al-Khutbah. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va dire donc durant l'acte de mariage. Lorsqu'il y a bien entendu l'acte de mariage, et que le wali est présent, et que le khatib est présent, etc., comme tout le monde connaît, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une chose beaucoup qu'on entend chez l'awam, c'est-à-dire c'est chez le commun des musulmans, et plus précisément beaucoup chez les Algériens, chez les Marocains également, ils appellent ça, ils disent Al-Fatiha, ça s'appelle Fatiha. Et pourquoi ils disent Al-Fatiha, donc qui est tiré tout simplement donc de ce que l'on connaît, des surat Al-Fatiha, la surat de l'ouverture, et ils disent cette parole-là. Qu'est-ce qu'ils veulent dire en vérité par cela? Ils veulent tout simplement dire, ou ils veulent traduire par cela, que lorsqu'ils ont fini l'acte de mariage, alors ils font des du'as. Alors ils appellent cela ces du'as, soit Al-Fatiha. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, il est compris dans ces du'as-là, Al-Fatiha. Alors qu'ils récitent uniquement la Fatiha après cela. C'est pour ça qu'ils appellent ça Al-Fatiha. Et en réalité, lorsqu'on s'aperçoit de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucune base. Lorsqu'on revient à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucune base par rapport à cet acte-là. Et ça fait même partie de ce qu'on appelle bid'ah, c'est-à-dire donc l'innovation. D'appeler ce cas-là Al-Fatiha. Et de voir que l'on doit réciter donc à la fin du contrat, dire des du'as et de réciter donc le Fatiha. Aucun dalil par rapport à cela. Aucune preuve par rapport à cela. Ce qui nous a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on appelle, et qui était donc fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on appelle khutbatul hajja. C'est ce qu'on appelle khutbatul hajja, que dont le prophète apprenait à ses compagnons. Khutbatul hajja. C'est ça qui était connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien entendu, tout le monde connaît cette khutba. Lorsqu'on commence, comme nous on commence les cours, inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru ila akhir hadhihi al-khutba. Ça c'est ce qui est, ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est ce qui était authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est cité également dans un hadith qui est authentifié par Cheikh Al-Albani, hadith qui se trouve auprès de l'imam Abu Dawud, Ibn Hibban, et Al-Bayhaqi, min tariq, ou min tariq ukhra, عند l'imam Al-Tirmidhi, ou Hassanahu, et qui est authentifié par Cheikh Al-Albani, fi Sahiha, numéro du hadith 169, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yakoul, kullu khutbatin, laysa fiha tashahud, fahiya kal yad al-jadma, fahiya kal yad al-jadma, c'est-à-dire al-maqtoua. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque khutba donc, qui ne va pas ou on ne va pas citer à l'intérieur donc d'elle at-tashahud, donc le témoignage, et il est voulu par le témoignage, comme nous le rappelle l'imam al-Manawi fi Faid al-Qadir, il dit arada bi at-tashahud huna ash-shahadatayn itlaq al-juz 'ala al-kull. C'est-à-dire qu'il a voulu le prophète sallallahu alayhi wa sallam par at-tashahud, c'est-à-dire la citation des deux shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Et bien entendu ici il a parlé donc d'une seule, yani at-tashahud, comme nous le dit le shir, l'aqaljouz al-kul, c'est-à-dire qu'il a cité ce qui est, ou il a donné donc une citation absolue d'une partie de la chose, il a voulu donc par cette chose la chose tout entière. Et dans ce hadith là, il y a un hadith donc authentique, donc cette khutba où il n'y a pas eu donc at-tashahud, donc al-maqsoud al-shahadatayn, comme nous l'a dit al-Manawi, il est tout simplement, elle va être considérée comme une main qui va être donc coupée. Kaliyad al-Maqtoua, yani al-Jazma al-Maqtoua. C'est comme une main qui est coupée. Taïb. Et même par rapport à ce hadith, Cheikh al-Albani, rahmatullah alayhi, il va aller plus loin. Il va dire en fait que at-tashahhud, donc ce qui est interprété par al-Shahadatain, par l'imam al-Manawi, lui il va voir, Cheikh al-Albani, que c'est tout simplement khutbatul haja, celle qu'on a citée auparavant. Inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Et il va se baser par rapport à ce qu'il dit, comme il dit donc le Shia dans al-Sahiha, wa ana abunnu anna al-murad bit-tashahhud fi hadha al-hadith innama huwa khutbatul haja allati kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'allimuha ashaba. Donc il nous dit donc le Shia qu'il croit. Et bien entendu ici, le terme abun, il veut dire également atayaqqan, c'est-à-dire que je suis sûr que la signification bitashahud fi hadha al-hadith innama huwa khutbatul haja. Que la signification du tashahud dans ce hadith, c'est la khutbatu al-haja. Et il va en fait prendre comme preuve le shirin des hadiths de Jabir, où il était cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqum fa yakhtu fa yahmidullah wa yuthni alayh bima wa ahlu wa yaqul man yahdi Allah fala mudilla. Il va reprendre également une autre version du hadith, kana yaqul fi khutbati ba'd at-tashahhud inna ahsan al-hadith kitabullah. Rawahu Ahmed, et les autres versions. Et donc par rapport à ces versions-là, il va tout simplement nous expliquer que il va apparaître que al-ma'na bit-tashahhud dans ce hadith-là, c'est celle qui est connue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, khutbatul al-haja. Khutbatul haja. Et donc, d'après le hadith qu'on a vu, kal-yad al-maqtoua, kal-yad al-jazma, donc comme une main qui est coupée, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas la faïda tabiha, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de bénéfice par rapport à cela. Et donc, et ça on terminera par cela, une des faïdas qu'on va donner par rapport à ce qui était dit, c'est que Cheikh al-Albani il voit, rahimahullah, que beaucoup de cours où il n'y a pas, c'est-à-dire on voit beaucoup de cours où il n'y a pas de gros bénéfices pour celui qui va écouter, il dit que une des causes, à la laqal, une des causes, c'est qu'il ne commence pas donc, tashahhud al-mafqul, c'est-à-dire bien entendu, lui ce qu'il a voulu dire, ou ce qu'il voit, c'est-à-dire al-khutbat al-haja. C'est pour ça qu'il dit, قلت وَلَعَلَّ هَذَا وَالسَّبَبُ أَوْ عَلَى الْأَقَلْ مِنْ أَسْبَابْ عَدَمْ حُصُولِ الْفَائِدَةِ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الدُّرُوسِ وَالْمُحَاضَرَاتِ الَّذِي تُلْقَى عَلَى الطُّلَّابِ أَنَّا لَا تُفْتَتَحْ بِالتَّشَهُّدِ الْمَذْكُورِ مَعَ حَرْصِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَالِغِ عَلَى تَعْلِيمِ أَصْحَابِهِ إِيَّاهُ كَمَا شَرَحْتُ فِي الرِّسَالَةِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا. C'est-à-dire qu'il parle par rapport à une risala qu'il a nommée Khutbatul Haja, Cheikh al-Albani rahmatullah. C'est-à-dire donc qu'il voit lui beaucoup de durus où on ne voit peu de faïda, une des causes c'est qu'on ne commence pas le cours donc par cette khutbah, khutbatul haja, inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu. Taïb, que cette même khutbah dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait et appuyait, c'est-à-dire qu'il lui donnait une grande importance pour enseigner cette khutbah à qui? À ses compagnons, comme il l'avait expliqué donc dans cette risala khutbatul haja. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.